vie n'ayant que trois jours, hier, aujourd'hui et demain, profitons donc d'aujourd'hui. Salut à tous, salut les gens, bienvenue sur Radio Game Ozo. C'est avec les Charlots et Max que nous entrerons dans le vif du sujet. Excellente journée, merci de votre fidélité à la musique des années 60. Comme ça dit, et petit poil, t'es plus soif, toi, hein? Hé, Max! Ah, ils sont pas là, toi, le petit lit, hein? Et juste un petit, quoi. Et ton mot rapport, hein? Et moi, c'est l'entraîneur qui me plaît, moi. J'ai même plus honte, tiens, je prends tout mon temps pour me peinter, là. Est-ce qu'il m'attend chez moi? Je le sais, hein? C'est un mari avec son sacré balai, là. Oh là là là là là. Hé, Max! Et si l'on buvait encore la petite goulue? Hey, juste un petit balai, quoi! Hé, hey, Max! Et le Vietnam, la bombe! Il faut noyer tout ça, mon vieux! Ça tourne, allez. Et pour toi, Max, y a toujours un petit verre. Et pas pour moi, dis. Et pour moi. Max. Et Max. Et pour toi, t'as toujours un verre dans les doigts, toi. Hein? Et Max. T'as marché dans quoi les cinq soleils. Hé, Max! Oh, je sais plus, moi. Hé, Max! Et t'en vas pas comme ça, dit. Hé, Max! Hé, Max! T'as pas payé de la tournée, mais me quitte pas, dit. Bah non, mais c'est ça, là. Sortez-les, enfin, quoi, monsieur. Funny, but it's true. What loneliness can do. Since I've been away, I have loved you more each day. Walking back to happiness. Whoop-a, oh yeah, yeah. Said goodbye to loneliness. Whoop-a, oh yeah, yeah. I never knew I'd miss you. Now I know what I must do. Walking back to happiness I shared with you. I'm making up for things I said. Whoop-a, oh yeah, yeah. And mistakes to which they led. Whoop-a, oh yeah, yeah. I shouldn't have gone away. So I'm coming back today. Walking back to happiness I threw away. Walking back to happiness with you. Spread the news, I'm on my way. Whoop-a, oh yeah, yeah. All my blues have blown away. Whoop-a, oh yeah, yeah. I'm bringing you love so true. Cause that's what I owe to you. Walking back to happiness I shared with you. Walking back to happiness with you. Said farewell to loneliness. Pride, learned the truth from tears I cried. Spread the news, I'm on my way. Whoop-a, oh yeah, yeah. All my blues have flown away. Whoop-a, oh yeah, yeah. I'm bringing you love so true. Because that's what I owe to you. Walking back to happiness I shared with you. Walking back to happiness again. Walking back to happiness again. Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s. Bienvenue sur Radio Guémozo. Serre la main d'un grand fou qui a joué à l'amour. Serre la main d'un pauvre fou qui pensait que ce jeu avec toi durerait toujours. Oui, serre la main d'un grand fou, le plus fou de la terre. Ah, qui me ronge le corps et m'ouvre les portes de l'enfer. Oui, quel fou d'avoir cru les mensonges que tu disais. Mais comment aurais-je pu penser qu'un beau jour tu te moquerais de moi et me quitterais. Oui, serre la main. Tes mots si doux qui me rongent le corps et m'ouvrent les portes de l'enfer. Ah oui. J'étais si fier de t'appeler mienne, alors que toi, pendant ce temps, tu brisais à coups de haine mon cœur et ma vie, me réservant le plus vil châtiment. Oui, serre la main d'un grand fou, le plus grand fou de la terre, pour avoir cru à tes mots si doux. Qui me ronge le corps et m'ouvre les portes de l'enfer. Oui, serre la main d'un grand fou. Serre la main d'un grand fou. Serre la main d'un grand fou. Serre la main d'un grand fou. Après les Charlots, ex-problème et musicien d'Antoine, nous avons eu Hélène Shapiro, Walking Back to Happiness, et Johnny Hallyday à l'instant, serre la main d'un fou. Si vous aimez les pirates, notez-le, ils seront aux alentours de 15h20 les invités de notre rubrique Le Coin du Spécialiste, comme chaque semaine d'ailleurs aussi. Nous évoquerons le hit parade, un hit parade de l'époque. Aujourd'hui, ça sera celui d'octobre 1963. Adaptation contre version originale, il y aura bien sûr nos trois matchs. C'est ce que vous pourrez retrouver si, bien entendu, vous restez en notre compagnie. Sur Radio Guémozo, en tout cas, quel que soit votre choix, eh bien, je vous souhaite un excellent après-midi.

was a long ride. You bought the card in the open, you can walk inside. A little cutie takes your hat, you can thank a man. Cause every time you make a scene, you find the joint is jammed. Johnny et les chaussettes noires se lancent dans l'épopée du rock and twist. Roy le rocker cède la place à Roy le crooner. Blue Bayou, et c'est l'un des titres qui reflète le mieux le nouveau style de Roy Orbison. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Bo, bo, bo, saving nickels, saving diamonds, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where you sleep all day and the catfish play on Blue Bayou. All those fishing boats with their sails afloat, if I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes. I'd be. Bo, bo, bo, to see my baby again, and to be with some of my friends. Maybe I'd be happier than all Blue Bayou. I'm going back someday. Voilà, en 1968, il y avait Yvan, Boris et moi, et elle, c'était Marie Laforêt. Lorsque nous étions encore enfants,

Dalida, Nuit d'Espagne. Dalida sera opposée pour notre premier match au Spedge Harlem des Mamas et des Papas. Un choix, et c'est à vous de le faire sur Radio Guémozo. Soft and sweet and dreamy. Et les papas, vous avez fait votre choix sur Radio Guémozo, et bien c'est parfait. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Tonight, tomorrow will It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love. Grande voix de la chanson populaire s'éteint, un grand nom de l'art disparaît. La France est éprouvée à quelques heures de distance par deux deuils. Édith Piaf et Jean Cocteau sont morts. Nous sommes en octobre 1963 et comme chaque semaine, je vous propose de découvrir quelques titres classés dans le hit parade de l'époque. Twist et chante 37e, et bien c'est Sylvie Vartan que l'on retrouve sur Radio Gemozo. Poursuit sa carrière solo avec brio, Eddie Mitchell, 27e de hit parade d'octobre 1963 avec Je reviendrai. Je reviendrai un jour chez moi. Je reviendrai plus près de toi. Je reviendrai un jour chez moi pour te serrer fort dans mes bras. Je reviendrai près de ton cœur pour détailler le bon bonheur. Loin de tes yeux, je suis malheureux. Je veux revoir nos bonheurs. Je veux revoir tes yeux. Je veux revoir ciel tout bleu. Je reviendrai très bientôt chez moi pour te serrer fort dans mes bras. Et puisque ton cœur loin du mien est malheureux. Je reviendrai un jour chez moi. Je reviendrai près de toi. Je reviendrai un jour chez moi. Pour te serrer fort dans mes bras. Kennedy accepte de livrer du blé à l'URSS, la France évacue Bizerte et John Vincent, au mois d'octobre 1963, classe à la 25e place du hit-parade Baby Blue. Le temps des yéyés. Yeah. raison. Tu leur fais tourner la tête en faisant voler ton jupon. Tu es bête et tu t'entêtes quand ils ne perdent pas la raison. Pourtant, l'amour, tu n'y crois pas. Peut-être as-tu raison. L'amour, tu n'y crois pas. Peut-être, mais pauvre garçon, pourquoi roulent tous ces yeux à les rendre tous amoureux? Et pourquoi toutes ces ruses quand à l'amour tu te refuses? Car je sais, l'amour, tu n'y crois pas. Peut-être as-tu raison. L'amour, tu n'y crois pas. Peut-être même, pauvre garçon. Pop, ne joue pas avec le feu. Essaye d'être un peu sérieux. Regarde leurs yeux qui brûlent. Et dans pitié, petite fille, même si l'amour, tu n'y crois pas. Peut-être as-tu raison. L'amour, tu n'y crois pas. Peut-être, mais pauvre garçon, ne leur fais pas pleurer. Un amour pas trop lointain, fais attention aux sourires qui n'ont jamais signifié rien. L'amour, tu n'y crois pas. Peut-être as-tu raison. L'amour, tu n'y crois pas. Peut-être, mais pauvre garçon. Il est 23e, Michel Berger, tu n'y crois pas, et c'était là ses débuts. Johnny Hallyday, qui en ce mois d'octobre 1963, à sa période western, classe Les Bras en Croix, titre de son album également, à la 13e place du hit parade. Dans la vallée de l'Oklahoma, ton coup de fusil fait mouche toutes les fois. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Tu triches au jeu et dans le pays, on te surnomme partout le maudit. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Avec insolence tu défies les hommes, tu chipes leurs femmes, mon Dieu, il faut voir comme à ce petit jeu. Tu t'amuses trop et tu laisseras ta peau. Dans la vallée de notre enfance, tu as commis les pires des offenses. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Avec insolence tu défies les hommes, tu chipes leurs femmes, mon Dieu, il faut voir comme à ce petit jeu tu t'amuses trop et tu laisseras ta peau. Même l'amitié pour toi n'a pas de nom et tu t'es joué de moi sans façon. Voilà pourquoi ce soir tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Je t'aimais bien pourtant mon ami, tu as volé la femme de ma vie. Voilà pourquoi d'une balle je t'envoie dans la poussière, les bras en croix. Dans la poussière, les bras en croix. Adieu l'ami, tant pis pour toi. Tandis que la France bat la Bulgarie par 3-1 sans Copa en conflit avec l'entraîneur national Georges Vérias, les pourparlers de Marrakech entre l'Algérie et le Maroc sont suspendus. Ben Bella appelle aussitôt à la mobilisation générale. Et Eddie Cochrane classe à titre posthume Something Else à la 11e place du parade d'octobre 1963. Here she comes. Here comes that girl. fine looking man. She's something else. Hey, look at them. Across the street. There's a car made just for me. To own that car would be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand new convertible is out of my glass. But that can't stop me from thinking to myself. That car's fine looking, man. Get something else. Hey, look at here. Just wait and see. Comes through, man. Wow, that's something else. Look at here. What's all this? Never thought I'd do this before, but here I am, I'm knocking on the door. My car's out front, yet it's all mine. Just a 41 Ford, not a 59. I got that girl and I'm thinking to myself. She's sure fine looking, man. Wow. Une affaire lorsque pour la première fois tu te retrouves solitaire avec des larmes au bout des doigts, lorsque tu sors d'une aventure qui t'a mis le cœur à zéro, lorsque tu sors de ce coup dur, tu vas retrouver aussitôt les copains. Chanter dans le rythme à fleur de peau. Les copains du jour, les copains de la nuit, les copains de toujours, les copains inédits, les copains, oui, les copains. C'est bon de retrouver la vie, de la reprendre à plein bras, de trouver d'autres filles jolies, de les serrer contre soi. Alors que crèvent les bourgeons, donne-moi tes lèvres, oui c'est bon. Mais ne te fais pas d'illusions, ce qui compte dans ma chanson, les copains, les copains, les petits, les grands, les maigres et les gros, les copains, ceux qui chantent et dansent le, ma fleur de peau. Les copains du jour, les copains de la nuit, les copains du jour, les copains inédits, les copains. Thème sacré des années 60, Romuald, les copains. En février 1966, Brian Wilson des Beach Boys enregistre une première version de Good Vibration. Pas content du résultat, il commence à réécrire sans cesse le morceau, inverse l'ordre musical, change les tempos. Au total, 90 heures d'enregistrement et 20 mixages différents seront nécessaires à Brian Wilson pour obtenir la version définitive de Good Vibration qui sortira en septembre 1966. Mais alors, quel résultat ! De suite, ce nouveau titre des Beach Boys est propulsé à la première place des charts et ce, dans pratiquement tous les pays. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her head. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom moon. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitations. Excitations, by my good, good. après les garçons de la plage, Brenda Lee, l'une des reines du rock'n'roll américain, Teach Me Tonight. C'est maintenant et c'est sur Radio Gamozo. Salut les 60, la légende en musique sur Radio Gamozo. Attention tous ensemble, hey. La la la la la la. America, titre extrait de la comédie musicale West Side Story. Adaptation contre version originale sur Radio Gemozo, voici notre deuxième match. Et puis notez-le, si vous avez manqué le début de l'émission ou si vous voulez réentendre cette dernière, eh bien elle sera rediffusée dimanche entre 10h et midi. Tais-toi petit folle, tais-toi petit folle, il n'est plus temps maintenant de pleurer. Te voilà bien puni depuis qu'il a choisi une autre fille qui saura mieux l'aimer. Mais moi je l'aime. Non, c'est ton orgueil qui est baissé. Je l'aime quand même. Mais s'il revenait, tu lui ferais du mal pour t'amuser. Tais-toi petite folle, tais-toi petite folle, tu t'es moqué de lui quand il t'aimait. Mais maintenant tu pleures, tu cours après son cœur, et son cœur tu l'as perdu à tout jamais. Tais-toi petite folle, après l'adaptation, la version originale, Foolish This Girl. Et c'est dans le répertoire des Chirelles que nous allons la retrouver. You broke his heart and made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new. And you want him back again. Gérard, c'est rockement bon. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's got a backbeat.

1964, les Beatles, à eux seuls, tiennent les 5 premières places du hit parade américain. Un exploit qu'ils ne réussiront pas en France, car en France, en ce mois de mars 1964, Dick Rivers fait chanter et danser la jeunesse française avec Rien que toi, son nouveau titre. Rien que toi. Dans quelques minutes seront les invités de notre rubrique Le coin du spécialiste. Nous évoquerons leur brève carrière et puis je vous proposerai d'écouter quelques titres extraits de leur discographie. Le tout juste après Wanda Jackson, Stupid Cupid. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can. Cupid, stop picking on me. I can't do my homework and I can't see straight. I meet him every morning about a half past eight. I'm acting like a lovesick fool. You even got me carrying his books to school. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Picking on me. Wow. crazy clown. Picking on me. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Stupid Cupid. Hey, Cupid, get away from me with those arrows. Just get your hands. 1961, la comédie musicale West Side Story étonne le monde. Et les accès de Misfits avec Marilyn, Clark Gable et Montgomery Clift troublent. Au Maroc, le roi du Maroc, Mohamed V, laisse la place à son fils Hassan II. Philip Johnson, l'architecte américain, s'amuse à designer un réacteur atomique en Amérique. Et les Français quittent Bizerte après l'intervention des parachutistes. Joby Checker se trémousse dans Twist Around the Clock. 40 chevaux, 126 km/h, Floride, la plus jolie voiture française. Jules Poupitch invente le système pour attacher et porter les boîtes de bière. Autre innovation, les chauffeurs de taxi sont désormais reliés à une centrale de réservation. Ils deviennent radio-taxi. Le stylo à billes Bic se choisit une couleur fétiche, l'orange. C'est pas sérieux, mon âme. Marc Bohan, pour Dior, enrobe ses dames dans la mousseline. Et les gaines en lycra compressent les rondeurs. C'est pas sérieux. Pendant qu'André Courrèges crée sa maison de couture, Paul Newman est l'arnaqueur. Buñuel, une fois encore, se surpasse avec Viridiana. Et Ken Rosewall bat Pancho Gonzalez à Paris, à Roland-Garros. Au début, il n'y avait rien. Puis vinrent les balbutiements. Henri Salvador, Claude Piron, Daniel Gérard, Richard Anthony fit un peu plus fort, mais fut vite supplanté dans le cœur des ados par l'idole des jeunes, Johnny Hallyday. C'est avec l'arrivée des chaussettes noires que le vrai délire a commencé. Des centaines de formations naquirent dans toutes les villes de France. La hiérarchie était bien établie et il était donc admis que les Pirates étaient troisième, devançant d'une courte tête les Vautours et les Pénitents de Danny Boy. Mais derrière les Chaussettes Noires et les Chats Sauvages, les Pirates ressemblaient fort à une imitation des Chaussettes Noires. Quatre musiciens bruns, Johnny, Michel, Jean-Pierre, Hector et un chanteur blond, Danny Logan. En 1961, les Pirates font une entrée fracassante sur le marché du disque avec un premier 45 tours qui ne comprend pas moins de 4 rocks. Comme les Chaussettes Noires ou les Kelton un peu plus tard, les Pirates ont été sponsorisés par le syndicat du lait et durent enregistrer « Je bois du lait ». Titre imposé par le commanditaire. Et les Pirates trimbalèrent cette histoire de lait longtemps comme un fardeau. Pourtant, ça roquait même fort sur le premier 45 tours du groupe. Oublie Larry comme un fou, adaptation à peine déguisée du Blue Set Shoe de Carl Perkins. Il y a également Cutie Pie, Twist Twist Baby, Laissez-nous twister, l'ABC du Madison, le Commotion. Le répertoire des Pirates est composé de nombreux tubes. Tout comme les autres chanteurs leaders des formations de rock de l'époque, Danny Logan décide de tenter sa chance en solitaire. Les Pirates incorporent alors un nouveau chanteur en la personne de Tony Morgan, puis qui a, c'est vrai, un joli nom, mais une voix ordinaire. Le public n'a pas suivi le groupe avec son nouveau chanteur et l'histoire des Pirates s'arrête là. Je ne connaissais que la chance, ma fiancée était jolie. Elle a connu un autre gars, pour notre amour il faut qu'elle oublie. J'aime chagrin. Ça fait très mal, je le sais bien. Tout peut recommencer, il faut oublier. Oublie la rue, il brise ton cœur. Reviens vers moi, seul je peux, pour faire ton bonheur. J'ai tout pardonné, je t'aime tant. Notre amour sera bien plus fort qu'avant. Je bois du lait. Oh, sache qu'un peu les copains qui ne comprennent pas. Oh, ils boivent du whisky, de la bière, du coca. Évidemment, ça choque un gars qui chante du rock et puis qui boit du lait. Let's dance rock and roll. Ne reste pas seul dans ton coin, à peu tasser tes vieux bouquins. Tu auras bien le tour de main. Oh ouais, on est avec tous les copains. Viens, tu te bats chez le tonnerre. Jukebox baby. Pour écouter des tas de chansons. Et si tu viens nous retrouver, oh oui, tu sais, minuit on va danser. Allez, dis oui, elle est tout à fait. Jukebox baby. C'est encore loin. On a des fuites en dynamite. Prends un taxi et viens tout de suite.

continue, c'est votre droit. Et laissez-nous twister. Vous disiez de votre temps la même chose à vos parents. Laissez battre notre sang et laissez-nous twister. Et twister, twister, à notre tour de danser. Et twister, twister, et laissez-nous twister. C'est pas à lancer, et vous aimez twister. Oh, twister, twister, la jeunesse veut s'amuser. Twister, twister, et c'est la twister. Oh, Allen Hop, Allen Back, Allen Hop. Radio Guémozo, des souvenirs plein la tête. Ha ha ha.

1959. Le général de Gaulle s'installe à l'Élysée et pour la première fois la France se dote d'un ministre de la Culture, André Malraux. Dans la foulée, Jean-Louis Barrault est nommé directeur du théâtre de l'Odéon. Le Lait Gloria enrichit les desserts des petits qui ne vont pas tarder à lire un nouveau journal Pilote et à se régaler des aventures d'Astérix et Obélix, d'Uderzo et Goscinny. Lovecraft fait ses premiers pas, ou plutôt ses premières glissades. Boris Vian qui disparaît nous arrache le cœur. Sous le Mont Blanc, des hommes percent un tunnel. Et au Festival de Cannes, Le Monde fait une entrée triomphale à la nouvelle vague. Jean-Pierre Léo et François Truffaut pour les 400 coups. Aux USA, Fabian, le sosie d'Elvis, sort Hound Dog et IBM, sa machine à écrire électrique. Mao est remplacé par Liu Shaoxi à la tête du parti. Tout l'amour que j'ai pour toi. Et Jacques Charrier épouse Brigitte Bardot. with you. I tell by the way you dress that you're so real fine. Les Trucks with a Girl You. Nous sommes en 1966 et nous resterons dans cette année 66 où la bagarre des idées bat son plein tandis que France Gall chante Les Sucettes sans savoir que Gainsbourg elle lui a donné un texte érotique. Une jeune fille du nom d'Annie Philippe danse au club 21 avec une poitrine imposante et chante Ticket de quai avec les accents de son Ménilmontant natal. Qui roule dans la nuit, combien de rêves il porte en lui, et que de peine il peut laisser dans un ticket de quai. L'amour s'en va, mais cet amour ne saura pas la force qu'il faut pour jeter ce vieux ticket de quai. Dans les yeux, quand l'un ne prend rien qu'un aller, l'autre un ticket de quai. Car y a toujours quelqu'un qui reste sur ce quai. Des au revoir, y a toujours quelqu'un qui part et qui ne revient pas. Salut les 60, le plein de nostalgie sur Radio Guémozo. Mmh. Le train qui part ce soir emporte mon amour. Le train qui part ce soir l'emporte pour toujours. La fumée qui s'élève dissipe mes espoirs. Hier encore, j'espérais bien la revoir. Pour elle, j'ai sauté le mur de ma prison. Je l'aimais à en perdre la raison. Maintenant, je reste ici, le cœur serré sans joie. Les mains tendues vers ce train qui s'en va. Le train qui part ce soir emporte mon amour. Le train qui part ce soir l'emporte pour toujours. La fumée qui s'élève dissipe mon espoir. Hier encore, j'espérais bien la revoir. De la rivière, je crois bien retrouver l'image de celle que j'aime, de celle qui m'a quitté, tout seul avec ma peine. Ici je vais rester, mais je sais bien que l'on viendra me chercher. Le train qui part ce soir emporte mon amour. Le train qui part ce soir l'emporte pour toujours. La fumée qui s'élève dissipe mes espoirs. Hier encore, j'espérais bien la revoir. Comptez les jours qui vont me séparer du retour à la vie quand je serai libéré. Peut-être ce jour-là irai-je la retrouver et la garder si elle m'aime encore assez. Le train qui part ce soir emporte mon amour. Le train qui part ce soir l'emporte pour toujours. La fumée qui s'élève dissipe mes espoirs. Hier encore, j'espérais bien la revoir. Hier encore, j'espérais bien la revoir. Hier encore, j'espérais bien la revoir. Long Christ, le train qui part ce soir. On se retrouve dimanche entre 10h et 12h pour la rediffusion et lundi dès 15h pour une nouvelle émission. Retrouvez également Salut les 60 sur radioguimozo.eu, le tout en minuscule et sans accent, notre adresse internet. Excellente fin de journée, excellente semaine. Merci de nous avoir tenu compagnie. Salut les 60. Some more. Well, the way is dark, night is long. I don't care if I never get home. I'm waiting at the end of the road. We'll be right back.